Bonjour et bienvenue sur cet épisode 41 dédié aux trois premiers épisodes de la série Agatha All Along. Je suis accompagné d'Olivier, de Pauline, d'Amandine et de Julie pour parler de ces trois épisodes, donner notre avis, nos opinions et puis voir si la série plaît. Voilà, bonne écoute. Bienvenue pour cet épisode 41 de Marvelicious, épisode 41 consacré aux trois premiers épisodes de Agatha. Y a-t-il tellement de titres différents pendant un an et demi, mais c'est Agatha All Along, si je ne me trompe pas. Et je suis accompagné de... Je vais commencer par les hommes, parce que c'est à nous maintenant. C'est nous qui dominons, voilà. Ouais, d'abord. Ce podcast, ou pas. Salut Olive, ça va ? Bonjour, on va parler comme ça. Ça va et toi ? Oui, Batman. Je suis le Batman. T'as vu, j'aimais Batman. Bien. Ouais, tu l'imites super bien, dis donc. Ah, tu fais bien aussi. Tu fais un Batman version chinois. Ah bon ? Ça te dirait un ultra. Ouais, je réécouterai, ouais. Ça t'intrigue. Et on est accompagné de Pauline et Amandine, les sœurs. Les sœurs siamoises. Mais c'est les sœurs siamoises. Mais elles ne sont pas siamoises. Bonjour, les filles. Bonsoir. Ça fait... Tu viens de revenir, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Non, c'est vrai. Enfin, entendu du coup, entendu. La forme ? Oui, toujours. Ça fait plaisir d'être de retour. Bah oui, nous aussi ça nous fait plaisir avec Olivier de vous réécouter. Et du coup, mon épousée, Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Oula, tu vas bien ? Ça va. Il y a un petit écho. On va essayer de faire, attention puisqu'on est l'un à côté de l'autre. Donc je vais essayer de ne pas parler. Oh, c'est mignon. Ouais, parce qu'on est amoureux. C'est pour ça. C'est important. Bon ? Ah, d'accord. Donc voilà. Bah oui, pareil. Voilà. On va essayer de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'écho. Voilà, quand Julie parlera, je couperai mon micro. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, l'écho. Oh la vache. Attends, parce que là, j'ai financé. Là. Trop tard, tu vois, toi aussi. Bon. Tu fais comme moi, tu fais en retard. Je suis prêt. Voilà. Et t'as Pauline et Amandine qui s'interrogent, mais il a fait une blague, je n'ai pas écouté. Voilà. Donc, on est là, bref. Voilà. On dit vague. Vague. Merci, j'attendais ça. Tout ça pour appuyer sur le bouton. ça faisait plaisir. Alors, on va parler de Agatha All Along. Agatha. Une sorcière sans sabbat. Non. Qu'est-ce qui vous est vraiment arrivé ? Retrouver la route du ciel et de l'enfer. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Venez, mes sœurs. Je vais reformer un sabbat. Il va falloir reprendre le dessus. Je vais emprunter la route. Rejoins-moi. Dans la nuit noire viennent le pouvoir terrestre et divin. La route nous accorde ce qu'on désire le plus. Si on parvient tout au bout. La mort t'attend au bout du chemin. J'ai entendu dire que vous faisiez une fête. Bonjour. Salut. Enchantée. On s'y remet ? La route va nous tester. Ainsi que nos connaissances de la sorcellerie. Et on ne sait même pas ce qu'on affronte. Nos pires cauchemars. Et comment on les passera, ces épreuves, sans aucun pouvoir? En survivant, comme les sorcières le font depuis des siècles. Vierge mère bigote. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je n'ai besoin de ces sorcières que pour arriver à la fin. Les cadavres commencent vraiment à s'empiler. Pourquoi vous laissez tout le monde croire ces rumeurs? Parce que la vérité est trop affreuse. Je veux ma récompense! Il est temps de finir la route. Le dernier arrivé est officiellement un gentil. Partons maintenant, car la gloire nous attend. Le retour des sorcières. Moi, ça, j'avais hâte de voir cette série-là. Alors, non seulement pour voir Agatha, mais j'avais bien aimé, moi. Je sais pas si tu connaissais Olivier ou... Mais avec Julie, on regardait beaucoup. C'était American Horror Story. Il y avait une saison. J'adore, j'en regarde toujours. C'est vrai? Oui, bah, il y a toujours des saisons. Ouais. Ça n'arrête pas. Ouais. Effectivement, et du coup, ça faisait du bien de voir un peu des sorcières. Donc... La série Agatha donc est la suite de WandaVision, voilà, et apparemment la suite de Agatha Holland, je sais pas si tu savais Olivier, c'est la prochaine série Vision Quest. En fait apparemment c'est 3 séries. D'accord. C'est pas sûr. Bah, j'ai cru lire ça. Non, d'accord. Pour le moment c'est. J'ai cru lire ça. On verra si. En train de se tâter à faire une continuer l'aventure. Oui, il se tatouille. Voilà. Moi aussi quand même, voilà. Et vous, Pauline et Amandine, vous aimez bien les séries de sorcières, vous? Si ça fait pas trop peur. Enfin, Amandine elle est moins flippette que moi. C'est clair. T'as les chocottes, beaucoup, hein. Rien que quand on a regardé Doctor Strange le dernier, The Multiverse of Madness, je crois que j'étais la seule à crier dans le cinéma alors qu'il n'avait rien, absolument rien. Hein. Mais flippette pour un rien. Du coup, ça dépend. Un caillou. Ah non, mais vraiment. Hein. Non, moi j'aime bien tout ce qui est fantastique, sorcière. C'est vrai que je regarde pas mal de séries en rapport. Ah, ça va un peu style mercredi aussi. C'est pas mal, ça. C'est un peu dark. Ouais, oui, regarder c'est cette vrai. Série-là sur Netflix. Oui. Voilà. Donc du coup, Pauline a dû avoir peur du monstre, je suppose. C'est planqué, non, c'est... ça va. D'abord, j'ai quand même regardé avant elle le premier épisode. Elle m'a dit, d'abord, avant qu'on regarde, elle me dit, je crois que ça fait peur. Alors j'ai dit, écoute, on va quand même regarder. Donc je me suis lancée la première, j'ai regardé l'épisode et après j'ai dit, c'est bon, tu peux y aller. Mais vu que c'est Marvel, je me suis sacrifiée quand même. C'est énorme. En fait, c'est la sœur, la frangine qui teste le truc pour voir si sa sœur peut regarder. Tu sais, les enfants d'habitude. Trop les parents pour les enfants. Bref, et toi, Julie, est-ce que tu aimes bien les séries fantastiques un peu comme ça? Oui, moi j'aime bien. Après, avant, je regardais il y a longtemps Charmed. C'est largement moins violent que la série qu'on regarde actuellement. Mais après, effectivement, American Horror Story sur les sorcières, c'était sympa aussi. C'est un autre registre. Il y a une saison, c'est la suite aussi de ça. On retrouve les personnages. Une suite à Charmed? Non, la saison des sorcières d'American Horror Story, les personnages sont dans une autre saison. Puis oui, mais... Alors non, c'est pas dans American... Oui, c'est pas un spin-off de cette série-là. Parce que j'avais vu, je crois, ce truc-là. Il y a American Horror Story au singulier. Avec une histoire par épisode. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Mm. Bah, du coup, j'ai moins aimé celle-là. Tu vois, donc, ouais, c'est un peu inégal. Donc voilà. Ouais, c'est assez inégal. Il y a des vieux qui sont géniaux et d'autres qui sont moins géniaux. Bref, on est là pour parler d'Agatha. Si on va faire toutes les séries d'Arki, on n'a pas fini. Non, mais t'as raison de rappeler, parce que si c'est les gens qui aiment bien les séries fantastiques avec des sorcières ou un peu d'Arki, bah, c'est le moment d'ailleurs de regarder du coup, toutes les séries où vous avez des sorcières. Voilà, donc la série Agatha met en avant, du coup, Agatha, notamment. Comme je disais tout à l'heure, c'est la suite directe de WandaVision. Donc, on va faire épisode par épisode. Je vais vous poser quelques questions, comme d'habitude. Donc, l'épisode 1 s'appelle « Retrouver la route ». Ça fait une chanson de Christophe Maé, je trouve. Voilà. Un peu. Retrouver la route. Un peu, ouais, t'as vu. Retrouver la route. Alors, pour information, il parle de la route des sorcières. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, les copains, mais la route de sorcières, c'est pas quelque chose qui est inconnu. Pourquoi je dis ça, à votre avis? Qui est connu dans les comics, la route des sorcières? Ah, non, mais toi, ça fait penser à autre chose. Non, ça fait penser à autre chose aussi. Dans les comics, à votre avis. Qui, à votre avis, a connu la route? Bon, c'est une sorcière. C'est un personnage qu'on a déjà vu dans un des films ou séries? Oui, et on a déjà parlé de ce personnage. Ok. Dans les comics, la route des sorcières est connue par un super-héros ou une super. Attends, je me concentre. C'est pas Wanda? Si, c'est Wanda. Je pensais que c'était trop évident. Voilà. Moi aussi, je me parlais colis. Non, vas-y, c'est évident. Alors, dans les comics, il y a... j'en parlerai dans un autre épisode, mais on l'a là, ici. C'est en fait la route des sorcières. Donc, Wanda, c'est dans les comics, elle qui connaît la route des sorcières. Donc, toujours pareil, c'est qu'en fait, les producteurs ou les scénaristes du MCU prennent un élément des comics pour le retirer et pour l'utiliser. Alors, en gros, dans la route des sorcières, c'est comme ça qu'il s'appelle. Dans les comics, la route des sorcières. Donc, c'est inspiré d'une série de comics avec Scarlet Witch. Donc, Wanda, en fait, découvre que la magie est en danger dans le monde. Voilà. Et elle décide de partir en quête pour affronter des démons, pour affronter, pour restaurer en fait l'équilibre magique. Et le but, quand vous arrivez au bout de la route des sorcières, c'est, à votre avis, quoi quand vous arrivez au bout? Ben c'est arrivé, ben c'est arrivé au bout de l'histoire. Ça fait quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on a au bout? Au bout du tunnel. Un truc en rapport avec le pouvoir? Oui, à mon avis, oui. C'est, ah, c'est, presque. C'est ce qu'elle recherche. Ah, le Dark. Non, moi je pensais au Darkhold, non, peut-être? Alors, tu peux avoir le Darkhold. En fait, le but, c'est que la route des sorcières dans les comics. Quand tu arrives jusqu'au bout, en fait, tu as des épreuves à chaque fois, donc comme vous avez pu voir dans l'épisode 3. Et quand tu arrives au bout de la route des sorcières, eh bien, la route des sorcières, t'offre ce que tu désires le plus. Ouais, voilà. C'est vrai. Ah, okay. Et donc là, en fait, au bout du bout, à votre avis, Agatha, vas-y. Non, parce que parlant de la route des sorcières, ça fait énormément penser, c'est inspiré, je pense. Marvel s'est inspiré de la route brique jaune du Magicien d'Oz. Oui. Ah ouais, tiens, j'y ai pas pensé. Ah bah c'est sûr, moi j'y ai pensé tout de suite. Ça fait penser au Magicien d'Oz à mort. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. En tout cas, on devine aisément qu'ils veulent aller au bout parce que Agatha, surtout Agatha, pour récupérer ses pouvoirs qu'elle n'a plus à cause de Wanda. Voilà. Donc l'épisode 1 commence avec Agatha qui est sous l'identité d'Agnès, voilà, qui se rend sur une scène de crime dans les bois, si vous vous souvenez. Elle découvre le corps d'une femme et du coup, au fur et à mesure des indices, je ne sais pas vous, mais vous aviez le nez aussi, je pense. On se demandait si c'était pas Wanda. Wanda. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de l'épisode, on constate que Agatha commence à réaliser que sa vie, en fait, était une illusion créée par Wanda. Oui, en fait. Oui, bah, comme la première saison, enfin la saison de WandaVision, c'était ça. Elle était dans un univers télévisuel de série télé, et elle est dans un univers de série policière, en fait. Ouais, ça a commencé pareil. Ouais, donc c'est pour bien rappeler l'univers de WandaVision. Et d'ailleurs, ça faisait un peu peur parce que je me suis dit, oula, si tous les épisodes sont comme ça, ça va être un copier-coller de Wanda. Ouais, ouais. Je me suis dit pareil. Mais à partir de l'épisode 2, heureusement, ça prend une autre direction. Clairement. J'étais content de vous revoir, Herb, pas vous? Oui. Parce qu'il était sympa, moi je me souviens dans WandaVision. Ouais, voilà. Mais les personnages étaient sympas, les habitants dans WandaVision déjà. Alors, je vous pose à chacun la question, quelle était votre scène préférée dedans? Tiens, on va commencer par Julie. C'était quoi ta scène préférée dans les... dans le du premier épisode. Peut-être le bah, la scène où elle comprend que du coup elle est dans un autre, enfin qu'elle est pas dans le dans la dans une réalité et que du coup c'est pas la, c'est pas enfin elle se rend compte de qui elle est vraiment quoi. Ok, Pauline et Amandine, c'est laquelle la vôtre? Ou à Olivier, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Oh, vas-y, Olivier, si tu veux. Ben, enfin, moi, j'ai envie de dire le début, parce qu'en fait, ça, ça rappelle des séries policières que j'aime ouais, bien. Darky, y avait la série Dark, par exemple, qui est sur Netflix. Ça me rappelle un peu Twin Peaks aussi, avec le cadavre qu'elle retrouve dans la forêt. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis le fait de deviner, on se doute que le cadavre qu'elle découvre, bon, on va pas dire qui on pensait, ça pensait, on pense que ça découle, c'est dur à dire. Mais j'ai beaucoup aimé le début, moi, parce que le côté série policière m'a plu. Moi, j'ai cru vraiment que ça allait être comme ça tout le temps. Oui, à un moment donné, je me suis posé la question. Ouais. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être comme ça pendant plus de 3-4 épisodes, et puis elle va se réveiller. Vers la fin, mais non. Apparemment, parce il va y avoir un style par chaque épisode. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Pauline et Amandine, avez-vous trouvé votre scène? Moi, je dirais comme Julie. Je rejoins sur ce qu'elle dit parce que je trouve que c'est. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Non, mais c'est vrai. Non, est-ce mais que c'est, toi, mais, tu vas répondre. C'est la même que toi. Alors, moi, je m'en doutais. J'ai bien aimé, mais. Mais j'expliquerai pourquoi. Okay. Moi, j'ai bien aimé la scène où elle était nue dehors. Alors, c'est pas parce qu'elle était nue. Évidemment, bah ça. Si, c'est pas parce qu'elle était nue. Ouais, mais non, mais c'est pas parce qu'elle était nue. Ouais, ouais, ouais. C'est pas parce qu'elle était nue. C'est parce qu'en fait, il y a deux. Alors, la première chose, c'est que comment elle découvrait, comme avait dit Julie, et puis toi, du coup, c'est qu'elle découvre qui elle est. Enfin, du moins, alors, redevient Agatha. Voilà, elle n'est plus Agnès, elle est revenue Agatha, donc elle s'est rendue compte. J'ai adoré l'échange qu'elle a eu avec Herb, voilà, aussi à ce moment-là. Et puis en fait, c'est la première fois qu'on découvre son vrai visage, cette scène-là. Je ne sais pas vous, mais c'est la première fois qu'on voit. Enfin, voilà. Et en plus, en lisant un peu les anecdotes de la série, j'avais appris que c'était l'actrice qui joue Agatha qui avait décidé de le faire nu. D'accord. Comme une renaissance en fait. Voilà, apparemment, elle voulait faire ça nu, comme voilà, pour aller voir sur Internet. Voilà. Mais bon, c'était sympa comme épisode en tout cas. Justement, quand vous avez vu ce premier épisode, quelle a été votre perception de l'atmosphère et du ton de la série à ce moment-là? On va commencer par Julie. Après l'atmosphère de la série, je me suis dit que ça allait être quand même peut-être un peu plus, enfin un peu dark quand même, vu que elle, enfin vu qu'Agatha c'est pas une gentille, donc je me suis dit que ça allait être un peu différent de bah, de Wanda où c'était un peu le côté WandaVision, c'était plus Tout est beau, tout est joli, enfin voilà, tout est parfait. Donc là, du coup, ça donne le ton et puis non, je pense que c'est intéressant. C'est ça donnait envie de voir la suite. Ah, du coup, alors à vous, Pauline et Amandine, vous, alors je vais répéter la question, c'est quelle était quand vous avez vu ce premier épisode, est-ce que vous vous êtes dit waouh, ça je suis tout de suite dans l'atmosphère et dans le ton de la série. Rien qu'en regardant ce premier épisode, où pour vous c'était vraiment le début et puis je saurais un peu sur quel pied danser au fur et à mesure des épisodes. Ouais, moi je pense plus sur la deuxième option que tu as donnée au début. Quand on regarde, si on n'a pas d'a priori, on ne connaît pas le contexte extérieur, tu as vraiment l'impression de démarrer une série policière, mais vraiment pure et dure. Donc tu avances à tâtons, tu découvres au fur et à mesure. Et puis tu dis, ouais, c'est un petit peu, je ne vais pas dire ambiance glauque, tu vois, mais tout ce qui se passe autour d'elle, elle ne sait pas trop ce qui se passe, même toi, tu vois, c'est un peu flou, en fait. Donc je pense que tu avances au fur et à mesure et que tu découvres, en fait, en même temps, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est bien aussi. t'as pas trop de... Ouais, c'est un peu effet de surprise, si je puis dire. Oui, il n'y a pas tant mort en plus dans cet épisode-là, je crois. Ouais, vraiment... c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et Olivier, du coup ? Attends, excuse-moi, Pauline, vas-y. Ah, t'inquiète. Enfin, Pauline, elle voulait dire. non, moi, je me suis dit que... en fait, j'ai senti l'épisode, comme on en a parlé, c'était vraiment deux côtés différents en un épisode, tu vois. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le début de l'épisode se rapprochait dans le sens où c'était comme si c'était une série de WandaVision. Et après, on est passé à toute autre chose quand elle s'est, entre guillemets, réveillée. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, on va aller dans un autre univers, dans l'univers Marvel, qu'on n'a pas encore, on va dire, exploité. Et j'ai senti que ça allait être vraiment plus mystérieux que ce qu'on a déjà pu voir. Parce que c'est vrai que le thème des sorcières... On le voit quand on voit Doctor Strange et tout, mais ce n'est pas la même chose. Et là, c'est vraiment une autre dimension des sorcières, etc. Un autre monde, je trouve. Et ouais, je trouvais ça assez mystérieux. Je me suis dit, à mon avis, comme un peu Julia a dit tout à l'heure, ça va être plus dark que ce qu'on a pu voir dans WandaVision. Et est-ce que du coup, justement, vu qu'on est dans le plus dark, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans le style de... série du style Secret Invasion le Faucon et le Soldat d'Hiver. Donc est-ce que pour vous justement, par exemple Olive, est-ce que pour toi justement qu'on passe de séries dites classiques avec des scénarios classiques, on passe sur du fantastique en tant que tel ici avec la magie du chaos, etc. Est-ce que tu trouves cette nouvelle tournure des séries pour toi bénéfique, c'est un apport ou c'est pas un apport, ou tu préfères les scénarios classiques? Voilà ce que je te disais tout à l'heure. En fait, ce qui m'a plu déjà, donc, c'était le côté noir du premier épisode. J'ai cru qu'on allait avoir une série noire, justement. Et puis surtout que Agatha est quand même un personnage un peu effrayant, surtout dans la série WandaVision. Enfin, tu vois, qui n'a pas de point d'humour. Je vais revenir après sur ta question, mais et donc du coup moi ce qui m'a déçu par la suite c'est que ça devient trop Agatha la déconne, en fait. Voilà. Il y a un peu il y a eu un changement de direction où le personnage devient entre guillemets drôle et pas méchante, en fait, presque attachante. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est ce qu'ils font beaucoup chez Marvel en ce moment, je trouve, notamment avec Thor. Même si là, c'est beaucoup moins prononcé, bien sûr. Par contre, moi, je n'ai pas trouvé ça surprenant comme style d'écriture, parce qu'on a déjà vu ce genre d'épisode où les personnages se retrouvent, notamment dans... Ça avait été exploré dans Supernatural. Je ne sais pas si vous connaissez la série avec les frères qui enquêtent sur des... Voilà. Il y a eu beaucoup d'épisodes où ils se retrouvent dans des séries télé où... Ça a été fait il y a très longtemps. Ça avait été refait dans WandaVision. Là, je n'ai pas été surpris. Ils ont gardé le style WandaVision. Pour le moment, c'est le même style, je trouve. T'as pas été déçu, du coup, un petit peu quand... Non, j'ai pas. J'étais un petit peu déçu, mais je me suis dit, ah, ils refont comme WandaVision. Je me suis dit, c'est pas très original. Et puis, ça permet de lancer l'histoire, après tout. Donc, c'est plutôt bien fait. Et comme je disais tout à l'heure, à partir de l'épisode 2, on comprend qu'ils partent sur une autre direction. Donc, il n'y a pas de souci. Dans cet épisode, il y a un personnage qui apparaît, un nouveau, qui s'appelle l'adolescent. Oui. Je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans le 2, où elle lui demande son nom. Oui, c'est dans le 2, dans la deux. Voiture. C'est dans le 2, ouais. Mais en tout cas, ce personnage-là apparaît, on ne sait pas trop d'où, d'ailleurs, et c'est lui qui l'aide à retrouver, en fait, à retrouver sa véritable identité. Voilà. Et donc, on devine qu'il va la suivre tout le temps, en fait. Alors, la question que je me suis posée en le voyant, c'est est-ce que ça va être son mentor, Agatha ? Je ne sais pas vous. Je me suis un peu posé cette question, de savoir si... la relation entre l'adolescent et Agatha ne sera pas une relation mentor et puis un peu comme maître Jedi et Padawan, quoi. Ouais. C'est bizarre comme relation parce que oui. Agatha s'y attache, je trouve, très rapidement. Oui, on se demande pourquoi. C'est pas cohérent avec le personnage. Je veux dire, elle a de l'empathie pour quelqu'un qui a un côté un peu pitoyable à l'écran. Enfin, tu vois, maladroit, tout ça. Enfin, pitoyable pour elle. C'est, là, je trouve que c'est pas. J'y crois pas du tout à cette relation. Mais ça cache peut-être quelque chose. Ouais. Moi, je pense que ça cache quelque chose, en tout cas. Oui. L'épisode 2, donc, qui s'appelle « Un nouveau présage dévoilera le passage ». Et là, Agatha est avec l'adolescent. C'est comme ça qu'il l'appelle, à mon souvenir. Mmh. Et c'est lui qui, à la base, je me demande si c'est pas lui qui dit si on allait à la route des sorcières. Oui, si, c'est lui. C'est lui qui la convainc. C'est lui qui a l'idée, ouais. Et du coup elle dit bah elle ça l'arrange parce que comme ça parce que là on l'a pas vu avec ses pouvoirs du tout parce qu'on découvre qu'elle les a plus. Donc on se demande si ça l'arrange pas d'y aller justement parce que comme je vous disais tout à l'heure le but c'est que quand vous arrivez au bout de la route des sorcières bah, du coup le vœu que vous désirez se retrouve exaucé. Donc on a Agatha qui va former un sabbat, un coven, je sais pas trop comment on dit. J'adore voilà. Cet épisode. Un peu déséquilibré d'ailleurs. Voilà. Voilà, alors du coup j'aimerais bien savoir, tiens, Julie, est-ce que t'as bien aimé en fait on a pu voir en fait que chaque sorcière avait son caractère, alors est-ce que t'as plutôt apprécié cette idée de créer un sabbat et que penses-tu des sorcières justement qui la composent? Les sorcières qui composent le sabbat, après je me suis dit que ça faisait peut-être des personnalités différentes pour que ce soit je sais pas, un peu représentatif au niveau de l'histoire, enfin qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Et puis oui, après ça fait un peu effectivement un drôle de mélange. Surtout, on ne sait pas pourquoi elle prend la voisine. On ne sait pas trop, puisque ce n'est pas une sorcière. Donc, je pense que c'est juste pour faire le nombre qu'il lui faut. Mais après, je ne sais pas, je pense qu'on n'a pas encore assez creusé au niveau des. Enfin, on n'a pas encore assez vu les autres sorcières pour se faire une idée, mais je pense que c'est aussi pour voir autre chose, enfin, d'autres personnalités qu'ils ont pris des personnages différents comme ça. Alors Pauline et Amandine, du coup. Moi, je rejoins Julie. On a vraiment des personnalités différentes, mais pour l'instant, on n'a pas pu réellement... Enfin, on ne les connaît pas encore assez et on va les découvrir au fur et à mesure des épisodes comme... Dans le 3, par exemple, il y a quand même dans l'épisode 3, bon, je pense qu'on reviendra après dessus. Oui. Mais le moment des hallucinations, on découvre un tout petit truc de leur vie, mais on n'en sait pas plus, en fait. Et c'est ça que je pense que sur le reste des épisodes, on va voir. C'est chacune d'entre elles, déjà, par rapport aux épreuves, on va les découvrir un peu plus. Et leur vie, en fait, antérieure, pour l'instant, c'est encore un peu, on va dire... C'est petit, on ne sait pas trop. Vous aimeriez bien, vous, de savoir plus sur leur vie, quoi. En fait, ce que du coup, de ce que je comprends, c'est que vous aimez bien l'idée, et en plus, ce n'est pas forcément centré sur Agatha, du coup. C'est ça. Quand on regarde. Oui, il y a la méchante Rio, là. Et je pense que le passé de chacune aura un impact sur la suite. Oui, ça, je pense aussi. On en parlera tout à l'heure, mais moi je pense que l'actrice. J'étais surpris parce que je cherchais où l'actrice qui joue la fausse sorcière, on va dire. La jardinière, voilà. On l'appelait la jardinière. Du coup, elle joue dans That 70 Show, je crois. Je sais pas si c'est elle qui joue dans cette série. Oui. Mais. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, elle va pas jouer pour si peu d'épisodes, quoi. C'est un peu bizarre, je trouve. Ouais. Voilà. Donc, je dis peut-être qu'elle casse son jeu, c'est un peu bizarre. Madame Hart, ça, tu parles de la voisine. Ouais, c'est ça. J'adore. Sharon. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je suis après plus dans... Vas-y. Ouais, je disais qu'elle est plus dans le registre comique avec The 70 Show et puis même la suite qu'ils ont fait. Donc c'est vrai que quand on la voit, on se dit tiens, c'est bizarre pour une série qui est censée être un peu plus sombre, on se dit qu'elle est, elle a l'air un peu en décalage. Mais bon, après, c'est vrai que Agatha est plus drôle que dans la série WandaVision, entre guillemets. Ou alors sarcastique, je ne sais pas. Mais, ouais. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu... c'est un peu surprenant, mais bon, après, ça peut être intéressant aussi. Enfin, bon, vu ce qui lui arrive, malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Mais... enfin, voir ce qui se passe dans le 4, mais bon, ça paraît mal barré, du coup. C'est faire du toboggan, déjà. Ça, c'est clair. Du coup, alors, je ne sais pas, vous, quelle est la scène qui vous a plu? Alors, juste là, là où je vais revenir à l'adolescence, c'est là où il devient de plus en plus mystérieux, parce que c'est là, en fait, où elle lui demande son nom, et il y a un sorte de sort qui l'empêche de dire son nom. Voilà. Donc, ça, c'est... est-ce que, du coup, à votre... enfin, on en a déjà parlé, mais est-ce que pour vous, en regardant ça, en regardant le fait que l'adolescent est de plus en plus mystérieux, est-ce que pour vous, il ne deviendrait pas dangereux, du coup, pour le groupe? Non, je moi, je ne pense pas. Enfin, tu as le sentiment de danger par son ennemi, en fait. Tu sais, la sorcière qui s'appelle Rio, qui lui fait comprendre... oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle décide d'aller sur la route. Hein. C'est parce qu'elle est menacée de mort. Et d'ailleurs, l'épisode 2, j'ai vraiment adoré parce que c'est un vrai épisode de sorcière. Tu as des références partout. T'as, quand les sorciers arrivent à la fin, ça fait très Harry Potter. Et puis, quand ils vont recruter l'autre sorcière, je ne rappelle plus son nom, c'est Lilia, je crois. L'actrice est géniale. Enfin, t'as vraiment, tu vois quelque chose, vraiment un épisode de sorcière. Et puis... la scène finale dans la cave qui est hilarante avec la voisine. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cet épisode. Et puis, tu sens la menace de ceux qui les poursuivent, en fait. On ne sait pas trop qui c'est encore exactement et pourquoi ils veulent d'un seul coup tuer Agatha, en fait. Peut-être parce que c'est la plus puissante, je ne sais pas. Mais... donc, et puis, il y a un côté humoristique qui commence à monter un petit peu. Qui monte très haut dans l'épisode 3, et c'est à partir du 3, moi, ça m'a commencé à revenir, mais c'est là où je trouve que ça part un peu dans le... c'est pas de la vie de tout le monde, apparemment, mais ça part un peu dans le n'importe quoi, je trouve. Ah, oui. Oui, comme tu dis. Moi, j'ai 3, ouais, je sais. Du coup, pour Pauline et Amandine, du coup, quels sont pour vous les moments clés de cet épisode, ou les moments clés? Moi, j'ai adoré quand elles ont chanté à la fin, quand elles ont lancé le sort pour rejoindre la route. Je trouve que le chant, ça faisait vraiment écho au monde des sorcières. Pour moi, vraiment, j'ai trouvé ça assez puissant. Et justement, j'avais vu après, en anecdote, qu'à la D23, elles ont chanté cette chanson et la série n'était pas encore sortie. Et pour moi, c'est vraiment un moment qui, moi, m'a marqué dans l'épisode. En tout cas, après, je sais pas pour toi. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils commencent tout doucement à réunir les sorcières, qui viennent les chercher les unes après les autres. J'ai trouvé ça super intéressant parce que tu découvres au fur et à mesure quelles sont les personnes en fait qui vont rejoindre l'aventure, et je trouve ça sympa. J'aime bien ce type de procédé. Ouais, un système de recrutement, quoi. Un peu ouais, Avengers, c'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça, grave. Comme les 12 mercenaires, comme dans beaucoup de choses. Hein. Ouais, ouais. Et toi, Olivier, quel était pour toi le moment clé? C'est un peu pareil dans les champs. Le moment clé. C'est un véritable épisode de. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a rappelé tellement de choses, tellement de références. Les films des années 80-90 de Spielberg, tu sais, avec. Ça m'a fait penser à Hocus Pocus, ça m'a fait penser à Ma Sorcière Bien-Aimée, ouais. Ça m'a fait penser à Harry Potter, ça m'a fait penser aussi. C'est très réussi à ce niveau-là. C'est un peu quand même, finalement, comme le premier épisode. Finalement, on dit que c'est différent, mais on avait un épisode policier, et là, on avait un vrai épisode de sorcière. Et dans l'épisode 3, on a un épisode de Desperate Housewives, un peu. Mais le moment clé, moi, c'est, je te dirais, c'est quand la fin, en fait, juste avant qu'ils arrivent à ouvrir la porte, Mmh. Et qu'on voit les sorciers et les sorcières qui sont assez effrayants d'ailleurs à arriver. J'ai beaucoup aimé. Ouais, et du coup, je me suis demandé c'est qui moi. Parce que justement, c'est, bah, c'est ouais. Mon moment effectivement que j'ai. Parce qu'en fait, ils ont l'air de les poursuivre, c'est bizarre. Même l'adolescent, il a l'air d'être flippé quand il les voit comme s'il les connaissait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le. Regardez c'est... sur. Vas-y, Olivier, hein. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, vas-y. Je disais, j'ai regardé, quand je regardais sur Wikipédia, super, référence Wikipédia, j'ai regardé un petit peu et il disait que c'était les sept de Salem. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'était une référence à ça. Alors, je ne sais pas si dans les comics, par exemple, on mentionne ça ou pas. Je ne sais pas. Je vais essayer de retrouver, attends. C'est quoi les sept de Salem ? Julie, t'as fait un hochement de tête. Oui, j'ai fait un hochement de tête parce que c'est ce que, je ne sais plus hein, dans quel épisode où il lui dit qu'ils vont venir se venger, et il parle des sept de Salem, des sorcières qui vont venir se venger d'Agatha, mais après, j'ai pas trop compris le contexte, mais effectivement, il parle de ça, oui. Donc, ça voudrait dire sans doute qu'il y aura un épisode où on va revenir dans le passé d'Agatha, je pense. Parce qu'ils ont l'air de jouer avec leur nerf. C'est un peu bizarre. Ouais. Donc, ils disent qu'ils sont à l'origine aussi des ennemis des quatre fantastiques, ainsi que de la sorcière rouge et de Vision. Mais la sorcière avec qui elle se bat, là, qui l'avertit plus ou moins, c'est un personnage vachement important aussi, on n'en a pas parlé. C'est vrai, ouais. Elle est intrigante, elle s'appelle Rio Vidal, je crois, d'après ce que je vois, je n'avais pas retenu hein, son nom de personnage, qui est joué par Aubrey Plaza. Il y a des scènes de combat entre elles, et Agatha a l'air un peu effrayée par elle. Donc, et c'est. Ah oui, c'est la jeune, c'est bon, je me souviens. Bah oui, alors, toi, elle est super importante, quand même, surtout dans les deux premiers. Oui, oui, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Ah bon, ça mettait un peu d'action dans les épisodes, quand même, c'est grâce à elle. Oui, ça mettait un peu d'action, mais ça m'a pas. C'est pas ce qui m'a le plus marqué. Alors, peut-être parce que j'ai pas fait. J'étais concentré sur Agatha parce que je trouvais que l'actrice était tellement charismatique. Oui. Je me suis dit, j'étais concentré sur elle. Donc voilà. Alors, il y avait une anecdote que je voulais vous donner, c'est que l'actrice qui joue Agatha, donc Catherine Hahn, elle a dit que elle a adoré chanter la chanson, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne virale. Voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'elle soit vue aussi virale, parce que c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, non, effectivement. Oui. Bah, surtout que, oui. Après, elle reste dans la tête. Aussi. Ouais, c'est ça, c'est possible. Voilà. Que... Et puis, vas-y, dis. Non, je disais en plus, la série, en tout cas aux États-Unis, rencontre pas du tout un succès très, très, très mitigé. Donc, mais par contre, la chanson, est devenue virale, c'est étrange. Ouais, vraiment étrange. Mais bon, tant mieux. J'ai une question. C'est un sort de sorcier. Vous avez vu. Ouais, c'est un sport de sorcière. Est-ce que quand vous avez vu cet épisode-là, la fin se termine où ils ouvrent une porte, une sorte de trappe dans le garage. Je crois que c'est dans le garage. D'ailleurs, on a vu le retour du lapin, hein, Pauline. Oui. T'as vu le retour du lapin, donc oui, pas de. C'est le retour de lapin. Bref, pour... je maintiens le fait que ce lapin il m'intrigue depuis WandaVision, donc voilà. Voilà. Justement, est-ce que quand vous avez vu à la fin du deuxième épisode, est-ce que vous êtes. Quand vous avez vu et ressenti tous la volonté d'aller absolument à la route des sorcières, est-ce que vous avez pu est-ce que vous avez pu percevoir l'importance de cette route pour les sorcières, de manière générale ? Parce qu'il y a quand même mettre de la volonté pour y aller. Et est-ce que vous, quand vous voyez que. Elle va sur la route à la fin de l'épisode. Vous vous dites, ça y est. On y va, la série part, entre guillemets. Oui, moi, c'est ce que je me suis tout à fait dit. Et je m'attendais à une suite un peu dans le délire de l'épisode 2 où tu verras un monde magique de sorcières, entre guillemets. Et puis c'est pas ça du tout. Enfin, c'est ça sans être ça, en fait. Ouais. Ça, enfin, l'enchaînement, j'ai beaucoup aimé la fin du. Ça vendait pour moi du rêve qu'ils m'ont pas du tout donné dans l'épisode 3. Pour moi, en tout cas. Ouais. Oui. Tous les avis sont bons à prendre. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme toi qui n'ont pas forcément aimé l'épisode 3. Hein. Quand j'ai pu lire les réseaux, certains des réseaux, j'ai vu qu'il y en a qui ont adoré, donc qui n'ont pas aimé. Voilà. Mais bon, on verra. Ce sont... j'aimerais savoir pour vous comment, quel était l'élément clé de l'épisode. Vraiment le truc qui vous a dit « Ah, là, on est, y a un truc qui cloche et donc du coup, je pense qu'on va y revenir. » Parce que moi, dans cet épisode-là, je pense à un événement qui a eu lieu et je me dis à un moment, on va s'y retrouver. Tu parles de quel épisode du coup ? Du 2 toujours ? Ou du 3 ? Le 2. Le 2. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il était bourré de références aux films de sorcières, il y a un peu de passé d'Agatha, etc. etc. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment, je pense que ça, on va le revoir ? Ou on va en savoir plus ? Par exemple, moi, je pense que les. Comme tu disais, tu vois, je disais une de mes en préférées avec les sorcières de Salem, je dis ça, on va les revoir, c'est sûr. Oui, ça oui. Ah oui, celle qui arrive à la fin, oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, donc je pense qu'on va avoir une révélation. Où, mais il va y avoir un affrontement avec. Il a l'air d'avoir les boules. Oui, mais bon. Il a l'air d'avoir les boules quand même. Hein. Il se taille vraiment vite. Hein. Bah, il les connaît, en fait, adolescent. Voilà. Donc, épisode 1 et 2, si je résume, vous l'avez tous bien aimé. Oui. Surtout le 2, moi. Ouais, moi, j'ai aimé le 2 aussi. Après, j'ai aimé beaucoup le 3, tu vois, par rapport à Olivier, comme il disait. Moi, j'ai beaucoup aimé le 3 aussi. Et mon premier, donc. Voilà, du coup, on va venir au 3. Le troisième, donc, il s'appelle Qu'il vente, qu'il pleuve à chaque épreuve. Je crois que c'est ça. Je ne me trompe pas. Oui, un truc comme ça. Une partie de ma phrase. Donc, l'épisode 3 d'Agatha. Donc, c'est. Alors, j'ai trouvé drôle. Honnêtement, je ne sais pas vous. Mais moi, je l'ai trouvé drôle. Plus que effrayant. Et vous ? Alors, juste pour parler un petit peu, vite fait, un petit résumé détaillé, c'est qu'Agatha et son groupe marchent sur la route des sorcières, pardon. Et sur la route, la première épreuve, c'est une maison. Voilà. On dirait d'ailleurs une maison de type américaine, résidence américaine, quoi. Et elles lisent une enveloppe et elles doivent boire du vin. Et en fait, le vin serait être un vin empoisonné. Et l'épisode fait que les sorcières essayent de trouver l'antidote. Voilà, si je résume, vraiment, là j'ai vraiment fait un résumé très court de cet épisode. Alors du coup, Olivier, pourquoi tu ne l'as pas apprécié par rapport aux autres ? Pourquoi pas ? On revient sur ce que faisait VandaVision, sauf que là c'est pas du tout subtil, c'est... Tu vois, par exemple, les perruques, on voit que c'est des perruques. Enfin, c'est on est presque ridicule. Agatha devient hystérique, mais dans le côté comique, en fait. Ça ne va pas du tout avec le personnage. Moi, j'ai un peu de mal avec des personnages qui sont graves et impressionnants, comme Nick Fury l'avait été, et puis qui a été montré comme un clown dans Miss Marvel. J'en ai marre de ça, en fait, dans Marvel. C'est qu'il faut qu'il tourne toujours tout à la rigolade. Ça n'apporte rien, je trouve. La scène où ils sont empoisonnés et puis qu'ils ont des transformations physiques, on croirait le remake des Visiteurs, quoi. Tu sais, quand ils boivent la potion, c'est exactement ça. En plus, les effets spéciaux étaient ratés à ce niveau-là, je trouve. Et puis, à part la fin qui est surprenante sur la disparition d'un personnage, pour moi, c'est vraiment un épisode bouche-trou qui n'a rien apporté à l'histoire, pour moi. Pauline et Amandine ont sans doute un avis différent. Oui, ben, sûrement, oui, apparemment. Mais Julie aussi, je pense. Moi, justement, j'ai apprécié le troisième. Parce que j'ai apprécié plein de trucs parce que pour moi, on est allé un peu dans tous les sens. Et bon, c'est vrai que ça peut paraître fouillé un peu comme ça, mais en soi, moi, j'ai apprécié. Et par rapport à Olivier, justement, le personnage d'Agatha, pour moi, je la vois pas comme quelqu'un d'humoristique. Plutôt, comme on disait avant, elle est très charismatique. Et je trouve que ça apporte beaucoup à son personnage. Et pour moi, je trouve que dans la manière d'être d'Agatha dans cet épisode, on voit vraiment le jeu d'acteur de Catherine Hahn, qui pour moi est excellent. Ah, mais c'est une grande actrice, hein, là-dessus, j'ai pas de doute. Hein. Ouais, mais du coup, pour moi, le personnage d'Agatha, tu vois, par rapport au premier épisode, au tout début, quand on est dans l'épisode de série, j'ai beaucoup moins apprécié ce personnage-là que le personnage qu'elle est dans le 3. Pour moi, c'est deux personnages complètement différents. Bien sûr, après, c'était dans l'histoire. Hein. Mais pour moi, je la préfère comme ça. Parce que justement, je trouve que ça apporte quelque chose à la série. Alors, peut-être que c'est du revu, hein, c'est clair. Mais justement, je trouve que ouais, ça apporte quelque chose de différent. Et puis, pour une fois, c'est une actrice qu'on a vue qu'une fois dans une série. Ça lui permet aussi voilà, de montrer ses talents. Et comme dit après, dans l'épisode, on est allé un peu dans tous les sens. Parce qu'il y a des moments où, peut-être pas pour d'autres, mais moi, où j'ai un peu flippé, des moments où j'ai rigolé. Donc ouais, on allait un peu dans tous les sens et je trouve que c'était fouillé, mais dans un sens, ça fonctionnait quand même assez bien. J'sais Pauline pas, la flippette, c'est son nouveau Insta. Arrête, la honte. Enfin, moi, je te rejoins de ce côté-là. Après, ce que j'ai trouvé un peu, je vais pas dire étouffant, mais assez intriguant, c'est quand elles sont dans cette maison, quoi. Quand elles ont ces hallucinations, en fait, on a le passé qui refait surface et c'est pas très détaillé. T'as que des brides à droite et à gauche. Alors du coup, c'est super intriguant. Tu veux savoir plus et tu sais forcément que ça va avoir un impact en fait sur la suite. Et c'est pas pour rien qu'ils ont ciblé des moments assez particuliers de leur passé. Et je pense que ça va avoir un effet assez lourd sur la suite des événements et dans leur choix surtout. Oui, je pense comme toi. Et toi, Julien, du coup ? Moi, j'ai bien aimé le troisième épisode avec le côté Desperate Housewife dans la maison très comment banlieue américaine. Projet c'était un peu décalé. Je trouvais ça rigolo. Après, c'est sûr qu'effectivement, ça fait un peu fouillis comme épisode, mais quand on va dire l'épreuve commence vraiment par rapport au fait qu'ils doivent sortir de la, enfin trouver un moyen de sortir de la maison, il y a quand même une ambiance particulière qui se met en place, et puis les hallucinations et tout ça, ça. Je trouvais que c'était bon, ça faisait pas. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur extrêmement, mais c'était intéressant. Puis il y avait une ambiance particulière, et puis tout ce qui est comment dire, quand ils essayent de faire la potion là pour se sauver parce que sinon ils vont tous mourir. Il y avait une certaine pression jusqu'à la dernière minute. On s'est dit est-ce qu'elle va réussir à trouver la bonne formule. Donc là, c'était sympa, effectivement, le côté vraiment sorcière. Là, c'était plus recentré plus sur le côté sorcière de la série, puisque c'est quand même un peu l'essence même de cette série-là. C'est quand même une sorcière. Et puis, oui, après, il y a peut-être des choix discutables sur le scénario, mais enfin, globalement, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt réussi. Et puis, effectivement, à la fin de l'épisode, on revient sur un côté un peu plus dark et on a envie de connaître la suite, de savoir la suite, entre guillemets, de ce qui va se passer sur la route, quelles vont être les prochaines épreuves. Et effectivement, je suis assez d'accord. Ça va être quelle série encore ? Parce qu'après, avec, ils vont s'inspirer. Je pense qu'ils sur, vont quel, continuer sur quoi ils vont enchaîner. Ils vont s'enchaîner. Mais après, je vous conseille vraiment. Oui, toi, tu penses qu'ils vont reprendre. Oui. Je vous conseille vraiment de regarder. Il faut rechercher sur Internet parce qu'il y a 15 saisons. Supernatural a fait ce type d'épisode plusieurs fois et beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Okay. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu. C'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu déçu parce que, du coup, fatalement, j'ai fait la comparaison. Oui, c'est possible. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu. Et vu que c'est du Marvel, tu as peut-être des attentes différentes. Oui, je m'étais dit, on va enfin avoir une bonne série. Et puis je te dis, Enfin, pour moi, l'épisode 3, moi, j'ai vraiment trouvé too much, quoi. Enfin, quand elles ont leur perruque, enfin, c'est... tu vois, c'est fait pour faire rire. Quand leur visage se déforme, c'est ridicule. Enfin, j'ai trouvé ça ridicule. Marvel, ils n'arrêtent pas de ridiculiser leurs personnages qui sont graves, en fait. Ils l'ont fait avec Thor, ils l'ont fait avec Nick Fury, ils font avec Agatha, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, encore. Alors, c'est pas aussi poussé, hein, donc, et puis ça va peut-être, effectivement, je pense que ça va revenir vers le Dark à un moment donné, mais voilà, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Je m'étais dit, il va y avoir une série qui va remonter le niveau, et puis là, tu sens que c'est un petit épisode, pour moi, que je trouve plus faible que les deux premiers, et qui ébouche trou, et c'est vendu qu'au troisième épisode, quoi. D'ailleurs, combien il y en a, Benji? 8 9. 9, tu vois, ça, on va venir vite. 9, hein. Je crois 9. Oui. Plus que 4, plus alors, que 4. Moi, hein. Je te trouve trop sévère. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, c'est normal, je trouve que ton avis est pas mal, parce que toi, tu vois, tu perçois cet épisode comme on se moquerait de... Entre guillemets, si je résume, hein, tu me dis si j'ai tort, on se moquerait, on utiliserait l'humour sur Agatha comme on a utilisé l'humour... sur oui. Dans Secret Invasion en fait nous j'ai pas eu cette impression là parce que moi je trouvais qu'Agatha on en apprenait plus sur son caractère dans cet épisode là on apprend qu'elle aurait échangé son bébé ou son enfant je crois pour avoir le Darkhold donc on voit jusqu'où elle peut aller pour suivre ses ambitions elle ne joue pas le jeu de la maison des sorcières puisqu'elle veut pas boire le vin etc donc elle est capable de trahir. Donc, je la trouve égoïste. Du coup, moi, j'ai trouvé justement que ils l'ont pas traité avec humour, mais ils ont juste révélé sa personnalité. Enfin, tu regardes, elle fait pas peur du tout, quoi. Elle dit ça sur un ton, sur le ton hystérique. Ouais, je suis désolé. Je pense pas qu'ils cherchent à faire en sorte qu'elle fasse peur. Ouais, bah justement, c'est. Tu regardes à la fin de VandaVision, elle est quand même effrayante. Hein. C'est pas, ouais, mais parce que c'est le. On va dire, c'est l'un de vos. C'est pas Agatha la déconne. Hein, comme, mais je pense pas que dans la série Agatha, c'est elle le vilain de base. Je pense qu'il y aura quelque chose d'autre qui va faire en sorte qu'un vilain va arriver, mais ce sera pas elle pour moi. Ouais, d'accord. Ouais, je pense que c'est Mephisto. D'ailleurs, on parle de Mephisto aussi. Oui, mais de toute façon, je pense que tu as raison. Si elle reste dans le MCU, elle va être, entre guillemets, la méchante gentille, une sorte de Loki. Quoi. Ouais, c'est ça. En ce moment, ils sont sur les Antilles. Après, pour Wanda, c'était pareil. Hein. Je voulais dire que pour moi, les méchants peut-être dans la série, ça va être les sorcières, les sorcières de Salem, là, les sept de Salem. Parce que bon, on a eu un aperçu, donc on sait que ça va être forcément les méchantes parce qu'elles veulent tuer Agatha. Après, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont s'opposer à elle, sûrement. Ou alors. Parce qu'on imagine que dans le. Ouais, dans le. Ou la alors route, les sorcières de Salem veulent tuer l'adolescent, mais pas Agatha, en fait. Peut-être aussi. J'ai pensé à ça, moi. Ah oui, on pense que c'est Agatha, mais en fait, ce serait pas Agatha. Ouais, peut-être. Le fait qu'il insiste bien, tu vois, pour qu'elle prenne la route, et puis qu'il flippe, et qu'il dit faut y aller. Je me suis dit que ça se trouve, en fait, les sorcières en veulent après lui, mais pas après Agatha. Peut-être. Ça se trouve, t'as raison, parce que l'acteur qui joue l'adolescent, donc Joe Locke, a dit qu'il avait dû suivre un entraînement intensif pour les scènes d'action. Et il n'y en a pas encore eu. Donc, ça se trouve, oui, c'est vrai. Ah ouais ? D'accord, je ne savais pas. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Ouais, il a dit qu'il a dû suivre un gros entraînement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Donc, ça se trouve, c'est lui le méchant. Bah, si on fait des hypothèses, c'est peut-être un lien, justement, vu qu'elle a échangé, elle aurait échangé le Darkhold contre son enfant. Peut-être que lui a été gardé par des personnes et il s'est échappé ou autre, je ne sais pas. Et peut-être que justement, ils viennent après lui parce qu'il essaye de retrouver... Enfin, je ne sais pas, je pense dans mon truc, mais... Non, ça se tient, ce que tu dis. Mais bon, après, cet épisode-là, en fait, je n'ai pas vu, en tout cas, je n'ai pas ressenti ce qu'a ressenti Olivier. C'est très bien qu'on ait des avis différents. C'est que moi, j'ai plutôt ressenti qu'on voit jusqu'où elle peut aller, Agatha, pour obtenir... J'ai pas vu un Agatha la déconne, mais c'est vrai qu'avec leur culte, tu peux te poser la question de savoir si justement ils n'ont pas essayé de faire de l'humour avec elle. C'est ce que Olive. Ouais, elle surjoue surtout. Hein, c'est, le réalisateur l'a fait surjouer dans ses émotions. Et tu vois, elle fait des grimaces tout le temps. Et du coup, comment tu perçois le... Comment tu perçois le personnage d'Agatha au fil des épisodes maintenant, vu de ce que j'ai l'impression qu'en fait tu as vu deux Agatha, une Agatha pour l'épisode 1-2 et une autre. Non, mais je te dis ce que je t'ai dit, ça va devenir le nouveau Loki. C'est plus la méchante. Ouais, j'y ai pensé aussi. Mais après Loki, ça va, c'est modéré. Dans les comics, elle est pas méchante. Hein. Dans les comics, c'est la mentor de Wanda. Ouais, non mais. Et puis elle est beaucoup plus vieille aussi. En fait, moi, je connais pas les comics. Donc en fait, moi, je dans les comics, en fait, Agatha, non, c'est la mentor de Wanda. Ouais. Mais moi, je me base par rapport à ce que je vois à la série télé. Oui, donc dans WandaVision, elle est pas présentée comme ça en tout cas. Ah non, du tout. Et là. Ouais, mais là, du coup, c'est centré sur elle, donc maintenant, elle est présentée. Ouais. Ah, mais pourquoi? Je m'étais dit enfin une série sur un méchant ou une méchante. Eh ben non. Je pense qu'en fait, après, ils cherchent surtout leurs personnages à... On adore les détester, tu vois. Parce que si elle est clairement, genre, vraiment méchante du début à la fin, on va pas apprécier autant la série, en fait, que si on aime, en fait, la détester. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord, mais sauf que là, elle a rien fait de méchant. Hein. Non, c'est clair, mais parce que de base, elle apparaît comme méchante, tu vois, comme à la fin de WandaVision, elle est affreuse. Parce que c'est un anti-héros. On aime les anti-héros. C'en est une. Ouais, voilà, non, quand ils sont méchants, point barre. Faut pas en faire. C'est ça. Et du coup, vous, les filles, comment vous voyez, on va dire, l'évolution du personnage d'Agatha au fil des épisodes après avoir vu ces trois premiers? Moi, je pense pas qu'elle va redevenir comme on l'avait vu dans WandaVision. Je pense qu'elle va, pas mal s'ouvrir. Et ouais, c'est ce côté anti-héros un petit peu qui va ressortir. D'un côté, elle va agir en tant qu'héroïne, mais pas pour l'humanité et tout. Ça va être dans son propre intérêt, en fait. Et moi, je suppose que le gars qui est avec, je pense qu'il est pas du bon côté, tu vois. Il essaye de l'attirer un petit peu et je pense qu'il va la piéger. Après, c'est qu'une supposition, tu vois. Il va faire en sorte de la faire réagir, de la faire bouger un petit peu, peut-être la faire sortir de ses gongs. Et à un moment donné, elle va se retrouver piégée à son propre jeu. Je sais pas. Oui, c'est possible. Et toi, Pauline, tu la vois comment évoluer? T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Julia, ouais, je suis d'accord avec Amandine. Ouais. Non, c'est bon, je suis d'accord. C'est bon. D'accord, Frangine. Et toi, Julie, donc comment tu vois l'évolution de... Moi, j'ai un peu de mal après à cerner comment elle va évoluer. Après, je pense que effectivement, ils vont sûrement axer sur la relation avec l'adolescent. Je sais pas qui c'est. Mais c'est vrai que oui, elle a l'air d'avoir un rapport particulier avec lui et oui, c'est vrai que je suis d'accord avec les filles, sans doute que il va l'influencer d'une certaine manière. Mais après oui, elle sera je pense effectivement pas aussi enfin on la verra d'une façon différente que dans la série WandaVision où là c'était la méchante entre guillemets de la série, alors que là, vu que la série est axée sur elle, oui, on essaye de la rendre un peu plus sympathique pour que les gens l'apprécient. Donc oui, sans doute qu'on va la trouver finalement, même si elle a fait des choses pas sympas, finalement elle est quand même sympa, quoi. Alors moi personnellement je pense qu'elle on va la voir on va la voir trahir au fil des épisodes, être nonchalante, égoïste et je pense qu'à un moment donné elle va être soumise à une épreuve et on va dire son côté humain va prendre le dessus et puis je vois bien sauver tout le monde ou prendre une décision à l'encontre de ses intérêts personnels. Mais bon, on verra, on sait pas de quoi l'avenir de cette série est fait. Voilà. J'ai besoin de savoir, dans cet épisode 3, même si tu l'as pas aimé, Olivier, quel était votre moment de suspense ou de mystère, que vous avez trouvé captivant, parce que même si on n'adhère pas forcément, il y a bien quelque chose qui vous a captivé dans cet épisode. Ouais, moi, ce qui m'a captivé, si on peut dire. C'est... J'étais intrigué quand même au début. Après le passage d'Esperate Housewife, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit avant de devenir normal. De, t'aimes pas cette série ou quoi? Ah, j'adore, c'est une de mes séries préférées. Donc, non, non, j'ai rien contre. Ah bon, contraire. Bah, tu vois. J'adore les. Mais je trouve qu'ils n'ont pas poussé le délire jusqu'au bout, à la limite, tu vois. Ils auraient pu faire un truc, un vrai épisode style des Desperate Housewives avec des voisins, avec des trucs. C'est parce qu'il y avait du vin, c'est pour ça que tu dis ça. Ouais, voilà. Et en fait, tu sens que c'est un épisode où ils ont fait des économies parce que tout se passe dans cet appartement, qui est, dans cette maison. Qui est, donc, tu es toujours dans le salon, la cuisine, enfin, etc. Tu es assez étouffé. Et puis, l'énigme, excusez-moi, avec. Et puis le poison avec le vin. Enfin, c'est quand même très léger. Quoi. C'est très léger. Mais sinon, oui, moi, j'étais intrigué par le début. Je m'étais dit. Au départ, je m'étais dit c'est une bonne idée de faire un truc à Desperate Housewives quand on connaît la série originelle. Mais en fait, ils ont exploité ça. Enfin, ils l'ont pas exploité du tout. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très simple. Mais le début m'a beaucoup intrigué. En tout cas. Alors les filles, Pauline et Amandine, quel est l'élément de suspense, le passage de suspense ou de mystère que vous avez trouvé captivant? Moi, c'est le moment des hallucinations quand elle voit le berceau. Je me dis que ça va avoir un lien sur la suite. Avec et je le me Dark demande si... Ouais, et puis je me demande si ça n'a pas un lien avec l'ado. Ouais, l'ado mais... qui serait... On peut penser que ce serait sans doute le fils de... D'Agata, c'est possible. Du coup, ça serait un peu facile, hein. Ouais, bah, justement, je me dis ça serait trop facile. Ouais, mais il doit y avoir quelque chose derrière. Ouais, pour moi, ouais, je trouve que c'est trop gros. Je me dis, je serais déçue si c'était réellement ça. Pour moi, je serais trop déçue. Est-ce que ça serait pas. Est-ce que c'est toi, Benjamin, qui disais, pardon, excuse-moi, qui disait que ça pouvait être les enfants de un des fils de WandaVision dans la première saison. Oui. Ah, waouh. Parce qu'en fait, j'en parlais à Julie, c'est quand il a voulu dire son nom la première fois, il y a un symbole qui se met sur ses lèvres. Mais voilà. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça fait Wanda Maximoff, ça fait un W, un M. Oh, et puis après, en fait... Oui, mais à mon avis, c'est après, ça. Hein. Coup, après, je dis à Julie, mais attends... j'ai un comics des Young Avengers, et il ressemble vachement au fils de Wanda. Dans les comics. Et du coup, il ressemble à Billy Maximoff. Et du coup, je me suis dit, ça doit être lui, c'est Wiccan, voilà. Il s'appelle Wiccan, W-I-C-A-N. Et du coup, je me suis dit, attends, ça fait quand même un W sur sa bouche, Wiccan, c'est avec un W. Et il fait partie des Young Avengers. Donc, je me suis dit, vu qu'ils vont nous sortir normalement les Young Avengers, est-ce qu'il serait là? Et en plus, t'as les figurines pop, ils ont balancé le nom qui s'appelait Billy. Ouais. Parce qu'ils ont fait une pop à son effigie, donc je me suis dit, bon, bah, ça doit être lui, du coup. Ça doit être lui. Bah là, ça sera mieux. Je pensais déjà que c'était le fils de Wanda. Avant que la pop, les pop ont donné le nom du personnage. Mais bon, après, je sais pas. On verra. Hein. Le problème, c'est qu'avec le MCU, ils prennent des éléments des comics et puis ils te le mettent dans le MCU, mais pas forcément de la même manière. C'est donc, ça. À voir. Ça se trouve, c'est. Ça se trouve, on est à côté de la plaque. Complètement. Ça se trouve, on est à côté de la plaque. Parce que, honnêtement, ça me serait aussi personnellement trop facile que ce soit son fils. Mais oui. Mais Ouais, non. C'est comme le trop facile que ce soit bizarre, le fils de... Ou trop facile que ce soit le fils d'Agatha. Voilà. Et toi, Julie, c'est quoi le moment le plus captivant ou mystérieux que tu as apprécié? Moi, j'ai bien aimé du coup la scène, la scène finale, quand ils sont... Quand il trouve l'antidote, le petit moment de pression, là, on ne sait pas trop s'ils vont s'en sortir ou non. Et puis aussi, l'hallucination, effectivement, comme Amandine, comment elle s'appelle, d'Agatha, où on voit effectivement le berceau avec le Darkhold et on se dit, ah oui, en fait, ce qu'ils ont dit sur elle, c'est vrai, elle aurait échangé son bébé contre le Darkhold. Donc on a envie d'en savoir un peu plus là-dessus. On se dit qu'effectivement, dans, on en saura peut-être plus sur ça, donc c'est intriguant. Après, c'est vrai que les scènes des différentes hallucinations des autres sorcières aussi, ça intrigue un peu aussi, moi j'ai trouvé. Surtout celle, il y a un truc avec sa mère. Voilà, on s'interroge. C'est ça, on s'interroge, on verra ce que ça va donner. Voilà, moi le point qui j'ai trouvé mystérieux en tout cas, c'était c'est effectivement avec le Darkhold dans le berceau, ça m'a surpris. Donc on verra ce que ça va donner. Dernière question et après on va terminer l'épisode, c'est du coup Sharon est morte après avoir fait une session de toboggan en passant à travers un four. Hein, bien entendu. Ouais, c'était trop bien. C'est violent. Effectivement, il était marrant. Et du coup, morte ou pas? Ou alors, pareil, elle va être, finalement, on va se rendre compte que c'est une des sorcières, peut-être, et qu'elle fait peut-être partie des sept. Ouais. Je sais pas. C'est possible. Oui, puis elle est tellement un peu. C'est le personnage vraiment un petit peu comique de la série, ouais. Donc ça serait pas impossible qu'elle se réveille d'un coup là, ouais. Comme si de rien n'était. Qu'elle se transforme en zombie. Ouais, j'ai fait une crise d'asthme. Mais sa mort, c'était un peu trop d'un coup, genre. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai dit, ok, d'un coup, deux épisodes, hop, bam. Enfin, trois du coup. Oui, puis en plus, c'était un personnage en plus vraiment rigolo qui apportait un petit truc, tu vois. Mais c'est ça, ouais. Donc la faire disparaître dès le début, c'est un peu dommage. Ou alors je te dis, c'est elle la méchante, en fait. C'est une sorcière, en fait. Elle est morte ou pas morte? Moi, je pense qu'elle est morte. Ouais, moi, je pense qu'elle est morte. Ils ne savaient plus trop quoi en faire après, donc ils se sont dit, bon, on va la tuer tout de suite, comme ça, on ne se posera plus la question. Mais après, oui, je ne sais pas si c'était axé après sur les sorcières, vu qu'elle n'était pas sorcière, en soi... qu'est-ce qu'elle allait apporter dans les autres épisodes, hein, je ne sais pas. Hein. Mais c'est peut-être ça l'explication, mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu brutal. Après, il y a d'autres séries où ils tuent les gens de manière brutale et on ne comprend pas pourquoi tel personnage dégage assez rapidement. Hein. Oui, mais en fait, une série, il ne faut pas trop s'attacher au personnage. Hein, ce qui est intriguant, c'est quand même ils l'ont fait venir dans cette série, ce personnage, et pour le moment, à part nous avoir fait rire deux, trois fois, elle ne sert à rien. Clairement. Non, elle chante bien. Elle apporte strictement. Mais non, elle chante pas. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas été dans, si elle avait pas été dans la série, on ne s'en serait pas rendu compte. Donc, je pense que sa mort va servir à quelque chose. Ou alors sa mort va servir à quelque chose. Je pense qu'elle n'est pas morte. Je pense que. Déjà, l'actrice, elle est connue. Je ne la vois pas faire deux épisodes et puis basta. Elle coûte peut-être très cher. Et la deuxième chose, c'est que je me dis. Mais en fait, on n'a pas vu ce qu'elle savait faire. Parce qu'elle parle d'une sorcière verte, elle va chercher elle comme jardinière, quoi, tu vois. À un moment donné, je crois que c'est un épisode. Oui, mais je pense que c'est une sorcière, en fait. Oui, je pense aussi, c'est pour ça, pour moi, elle n'est pas morte. Pour moi, elle n'est pas morte. Elle joue un jeu. Ouais, c'est possible, c'est possible. On peut avoir une petite surprise. Ils vont l'enterrer, elle va ressusciter, c'est ça? Elle va se transformer en arbre. Si c'est un truc avec les plantes, hein, je sais pas. Hein, elle va se régénérer dans la terre, quoi. Ouais, elle va se transformer en arbre. En fait, c'est Groot. Voilà. J'allais le dire, t'as lu dans mes pensées. Ah, ça serait puissant, t'imagines en fait, Non mais moi tu vois, je pense que son sac à main, on va le retrouver. Ouais. Comme par hasard, le sac à main était absorbé. Non mais absorbé. Et il y a le lapin dedans depuis le début. Oui, il y a un truc, oui, elle avait l'air un peu paniquée qu'on lui pique son sac à main. Ouais. Sac à main, c'est pour ça que je te dis. Il y a un truc. Ouais. Pour moi, il y a un truc avec le sac à main. Je pensais pas qu'il aurait autant une importance. Bon. Ouais. Bah, on ne sait pas. On dit ça, on spécule. On ne sait pas. On verra bien. Bon, en tout cas, je ne pense pas que ça change quelque chose dans la dynamique du groupe parce qu'ils n'ont pas l'air... En fait, elle a l'air d'être la copine sympa qui picole du pinard et qui rigole. La tata. Mais... La tata qui boit. Ouais, c'est ça. La tata qui boit, voilà. Après, tonton qui boit, tata qui... Tata qui boit. Donc, voilà. Mais tu vois, je pense que elle a pas tardé à boire le vin, comme si elle avait compris la Oui, mais je pense que l'énigme d'entrée, quoi. Elle boit tout de suite le vin, genre allez, vas-y, il faut faire ça. Bah, c'est elle qui enclenche le truc, ouais. Clairement. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. On est elle n'est pas morte. Soit elle n'est pas morte, soit on la reverra. Oui, tout cas, si je dis qu'elle n'est pas morte et qu'on la verra, on la verra. Oui. Si on est vraiment morte, et puis en fait, elle a servi qu'un épisode. Puis, voilà. En fait, elle va être ressuscitée par Deadpool dans Deadpool 4. C'est ça, Deadpool. Il n'y a rien. Deadpool voilà. En Mrs. Hart, ça va. Bon, c'est ça, Mrs. Hart, c'est Deadpool. Du coup, alors, juste, allez, on va dire validé ou pas validé, Olive ? De manière générale, bien entendu. Je dirais pour l'épisode 1 et 2, oui. Par contre, il faut vraiment. Non, j'ai dit en général. J'ai... Oui, bah, donc oui. je te dis oui parce que j'ai vu sur deux à épisodes. Demi validé. Sur demi. Deux épisodes, il y en a qu'un que j'ai pas aimé, donc oui. Pour le moment, oui. Oui. Pour l'instant, c'est demi validé. D'accord. Ok. Pauline et Amandine, alors c'est un demi validé ou pas ? C'est validé. Validé. C'est validé. Tu vois, regarde. Validé en cœur, comme Julie, des coup, je sais. Ouais, je sens. Oui, bah moi c'est validé. Après moi, je suis bon public, hein, donc ça va, c'est pas trop difficile. Hein. Mais oui, non, globalement, je trouve que c'est quand même pas mal. Faut être honnête, je pense qu'il y a des séries qui sont bien pires. Hein. Surtout bon, chez Marvel. Pour un début, c'est bien. Après, on espère juste que ça va se maintenir et que ça va monter en puissance et que ça va pas retomber comme un soufflé, quoi. Voilà. On verra. Ah bah justement, le problème de chez Marvel, comme dit Olivier, ça peut retomber d'un coup. C'est souvent que ça commence très bien. Hein. Ouais. Souvent, ça, les deux, trois premiers épisodes sont très bien. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et puis d'un coup, boum, ça s'essouffle. Quoi. Et puis quand tu as une série qui a changé 5 fois de titre, où ça a été repoussé encore. Et... Ouais. Ou alors c'est l'inverse, tu vois, parce que WandaVision, au début, franchement, quand on avait regardé. Enfin, moi, personnellement, les deux premiers épisodes, j'avais moins accroché jusqu'au moment où on avait découvert que voilà, elle avait emprisonné la ville et tout. Et après, le reste, ça a été monté crescendo. Donc, j'espère que ça va aller dans ce sens-là parce qu'on l'attendait tellement, cette série. On en a parlé dans quand même quelques-uns des podcasts qu'on a fait. Je pense tout le contraire de toi de WandaVision, tu vois. Ah ouais ! C'était hyper novateur et super bien fait quand ils étaient dans le monde des séries télé, là. Et quand ils ont commencé à sortir enfin, dans le vrai monde comme maintenant, tu sais, avec les vrais enjeux, j'ai beaucoup moins aimé. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Parce que c'était plus original, en fait. Et le personnage d'Agatha était génial, d'ailleurs. Dans les séries. Avec Loki saison 2, WandaVision, ça restera ma préférée, quand même. Ouais. Ouais, Loki saison 2, c'est... Ouais, c'est ah ouais, Loki, c'était incroyable. Et WandaVision, je suis tout à fait d'accord. Là, on n'est quand même pas sur le même... Bon, bah, merci. Oui. Ouais, bah, oui. Olivier est dur. Non, mais c'est vrai, on n'est pas sur le même niveau. Non, mais c'est pas bien. Il est dur, mais il est juste. Il est juste. C'est vrai. Oui. Bah, depuis qu'ils ont, tué son acteur préféré dans Secret Invasion, enfin, tué. Ils ont gâché son rôle et il n'arrive pas à s'en mettre, Olivier. C'est pas bon. Ah bah, RIP Nick Fury. Et puis RIP dans The Marvels. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Voilà, si on apprend que les chats pondent des œufs. Voilà. C'est super. Voilà. Qui soit dit en passant, The Marvels, l'épisode qu'on a fait dessus, est l'épisode le moins écouté de tout. C'est comme le film, oh, c'est le film Marvel, c'est le film Marvel le moins j'ai vu. J'ai montré à Olivier les stats et du coup j'y vais regarder. C'est The Marvels. Voilà. Donc voilà. Bon, eh ben merci les amis. C'est sympa. Ouais, un podcast d'une petite heure, moi je trouve ça bien. Voilà, ouais, ça permet bien. De pas être. C'est très bien. Merci les amis. Alors, Pauline et Amandine, surtout Pauline, parce qu'on te retrouve moins sur les réseaux, au moins que tu fais une page spéciale. Mais Pauline, on te retrouve sur les réseaux. Oui. Alors, c'est plus maintenant. Ça a coupé. Si c'est plus, c'est Insta Pauline, du coup, maintenant. C'est Pauline DLP tiré du bas sur TikTok. Sur Insta, je mets un peu moins, mais surtout TikTok, du coup. Et du coup, avec celle qui a le plus de vues sur l'ouverture. Non, mais. Non, mais. Non, mais. Ça cherche toujours à comprendre. Ah, on a essayé de faire la même, mais ça n'a pas marché, du coup. Parce qu'on aurait pu prendre une gourde dans un Disney World et puis voilà, faire la même chose. Moi, je dis, il faut retenter encore et bon. Encore. Ouais, non, mais ça aurait été un peu. Ça n'aurait pas fonctionné. Il y a Clémence qui est sur mes genoux et dit Iron Man. Voilà. Mais c'est Wanda. Ben, c'est ça. Voilà. Bon, Olivier, qu'on retrouve sur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux parler de la dernière vidéo de Olivier ? Vas-y, parle-nous-en. Qu'est-ce que tu as vu dans la dernière vidéo d'Olivier ? T'as vu son t-shirt ? Bon, apparemment, elle a vu ton t-shirt. Donc, Olivier, sur les réseaux, comme d'hab. Comme d'hab, oui, sur YouTube, essentiellement. Sur ma chaîne Olive in Wonderland. Voilà, et puis sur YouTube, mais bien sûr aussi, vous le retrouvez sur Instagram. Et puis sur notre podcast aussi. Et sur le podcast, enfin c'est le tien, le podcast Magic Mouse. Magic High. Magic quoi, Clément ? Vas-y, dis-moi. Magic Mouse, tu connais ? Magic High. Magic High. Est-ce que vous écoutez Magic Mouse, Pauline et Amandine ? Bien sûr. Ouais, il faut qu'elle vienne aussi d'ailleurs. Faut que je fasse un truc avec elle. Avec plaisir. Faut qu'on les invite. T'as pas peur, toi ? T'as peur, toi ? Et pourquoi ? On va faire une spéciale 7 nains. Ouais. Je vois qu'il y a des Julie, elle est... derrière elle. Oui, moi j'écoute. Je crois que le dernier que j'avais écouté, c'était celui sur Disney World. Bon, forcément. Bah oui. Évidemment. Bon, allez les amis, en tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce podcast. Le prochain, on fera l'épisode 7, puisque en fait, on fait toujours avec Olivier. Et j'espère que. Et Mika, normalement, mais. En tout cas, avec vous, en fait, on regarde les deux derniers, parce que généralement, les deux derniers, ce sont ceux qui bougent le plus dans les séries du MCU. On verra bien. Donc, on va laisser l'épisode 4, 5, 6 et 7 couler tranquillement. On va voir si. Oui, ouais, voilà. Et puis, on verra si Agatha All Along est à la hauteur de nos attentes. Voilà. Sur ce. Tiens, tu dis au revoir aux gens, dis au revoir. Voilà, allez, bisous les gens, bye. Bye. Salut.